Lorsque survient un décès, il est important d'être accompagné par une équipe de professionnels qui sauront bien vous épauler pendant cette période de tristesse. L'équipe de Hébert et Fils est une entreprise 100% locale qui crée des emplois dans notre milieu. Nous faisons partie de la Corporation des Thanatologues du Québec. Hébert et Fils, 2355 Boulevard Walberg, 418-276-1411. Toute l'équipe de Hébert et Fils rappelle que l'achat local est vital dans notre économie. On va parler de challenge tennis Banque nationale qui se déroule à Ville-Saguenay. Ben, c'est pas mal le plus gros tournoi de tennis féminin. On en parle avec Caroline Davis. Salut Caroline. Oui, bonjour. Caroline, t'es d'accord avec moi que c'est probablement le plus gros tennis, c'est le plus gros tournoi de tennis en région, là. C'est vraiment. Oui, ben là, c'est certain. Ouais. C'est sûr, c'est un tournoi international. Donc, ça se compare pas à la Coupe Rogers à la Coupe Banque Nationale à Québec, tout ça. Mais dans les plus petits tournois Challenger, bien écoutez, on est. Je crois qu'il y en a peut-être 6 là, au Canada, en tout et partout. Là, donc, les Challengers de Granby, Gatineau, tout ça. Donc, c'est sûr, ça s'améliore à ce niveau-là. Il y en a à Vancouver, il y en a à Winnipeg. Donc, ça, c'est peut-être plus durant l'été, par contre. Mais c'est quand même bien. Ça permet justement à nos joueuses québécoises et canadiennes de ramasser des précieux points là, pour le classement et tout. Puis, espérer là, pouvoir améliorer justement là, cette place-là au classement mondial. Puis, donc, nous, on a quand même une belle brochette de joueuses cette année encore avec de l'excellent calibre. On le voit là dès les matchs de qualification qui ont commencé samedi. Le niveau est quand même très élevé. Là. Donc, c'est intéressant de voir ça. Puis, on invite les gens à venir en grand nombre justement pour apprécier là, justement le niveau de jeu qu'on peut leur présenter. OK. Si on parlait des joueuses de tennis, parce que par le passé, ça a souvent été les meilleurs joueurs. Il y a eu Madison Keys qui a joué ici, il y a eu Angelica Gerber. Ça a été le tremplin pour plusieurs grands joueurs de tennis. Là. Oui, effectivement. Hein, c'est ça. Ça permet à des jeunes joueuses, là, même ici, on en a les 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ça leur permet là, de justement commencer sur le circuit, se ramasser des points, puis éventuellement pouvoir jouer là, sur le circuit de la WTA. Donc les tournois ITF, on se rappelle que c'est des tournois challenger qui offrent des bourses là à différents niveaux, mais c'est tous les tournois qui donnent des bourses que moins que 100 000. Ça c'est représenté par la Fédération internationale de tennis qui est en Angleterre. Et puis ensuite de ça, ben là, les tournois de la WTA, c'est les plus gros tournois, mais les joueuses, même dans les challengers, ramassent des précieux points justement pour améliorer leur classement WTA. Donc, c'est deux circuits, mais c'est les mêmes points, là. Donc c'est ça. Puis écoutez, on a, comme je vous disais, on a quand même Bianca Andreescu qui a perdu en finale l'année dernière, qui est la meilleure Canadienne présentement à notre tournoi. Deuxième favorite, 154e joueuse mondiale. La première favorite, qui est une Japonaise au 97e rang, Risa Ozaki. Fait qu'on a beaucoup de joueuses classées là, entre le 100e rang mondial et le 400e rang. Et puis, il y a les joueuses de qualification aussi. Mais comme je disais, il y a des joueuses qui sont pas classées qui arrivent puis qui nous impressionnent vraiment parce que, justement, ils n'ont pas encore commencé à faire des tournois de cette trempe-là. Puis c'est comme ça qu'ils se ramassent des points puis qu'ils peuvent augmenter là, dans le classement mondial. Ça fait que c'est intéressant. Puis effectivement, dans le passé, on a eu quand même des grandes championnes. Ben oui. Quand on regarde tous les tournois du Grand Chelem, on voit plusieurs joueuses qui ont passé à Saguenay, dont Madison Keys, effectivement des joueuses du top 10, Cibulkova, Eugénie Bouchard évidemment. Donc il y a beaucoup de bonnes joueuses. On a aussi Bellis, Catherine Bellis l'année passée, qui est maintenant dans les top 35 au monde. Fait qu'écoutez, c'est beau de voir ça. Angelique Kerber, évidemment, aussi, qui avait gagné les deux premières éditions. Fait que c'est des joueuses, là, en tout cas, qu'on prend goût à les voir jouer, là, justement, à la télé, dans les différents tournois, là, sur le circuit. Donc, c'est quand même intéressant, là. OK. Si on parlait maintenant des nouveautés, il y a plusieurs nouveautés cette année. On en a parlé lorsqu'on faisait nos chroniques ensemble pour le tennis. Il y a le web, c'est diffusé sur le web. Une plus grosse augmentation également des bourses. On a passé 10 000, mais ça, c'est tous les challenges comme la vôtre, automatiquement, comme le vôtre. Donc, oui, c'est ça. Okay. Maintenant, c'est rendu des challengers 60 000. Là. Tout ce qui était 50 000, c'est rendu 60 000. Donc, OK. Et c'est sur le web aussi. Oui, ça va être sur le web à partir de jeudi. Là. Donc, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, écoutez, c'est nouveau pour nous, fait qu'on voulait pas non plus faire ça toute la semaine parce que quand même, ça demande beaucoup. Mais écoutez, on a fait des belles améliorations aussi au niveau des gradins, les loges, tout ça. Ouais. Et puis, je pense que les gens sont agréablement surpris de voir les améliorations qu'on a fait là. C'est un gros plus, là, je pense, pour les joueuses et pour les spectateurs et tout, là. OK. Si on parlait maintenant aussi des joueuses, il y a des têtes d'affiche. Tu as parlé de Bianca Andreescu, c'est très bon. Il y a également Charlotte Robillard-Miotti. Elle connaît vraiment... elle connaît pas une grosse année. On ne l'entend pas parler vraiment, hein? Oui, bien, écoutez, c'est sûr qu'à moins de vraiment suivre le tennis, mais effectivement, c'est peut-être plus difficile un petit peu pour Charlotte cette année. Bon, là, elle a droit à un laissé-passer, ce qui est quand même intéressant. L'année dernière, elle avait très bien fait ici à Saguenay. Ça prend pas grand-chose, des fois, hein, pour gagner la confiance. Fait que là, si Charlotte réussit, des fois, avec la foule, hein, c'est bon, on va sûrement attirer des gens. Et puis, c'est le fun aussi. On est content, là, justement, d'avoir des Québécoises dans le tableau. Ben oui. Fait qu'on est... Là, elle va jouer contre, une chinoise, là, Qing Yu Su, donc qui est 354e. Fait que rendu là, écoutez, la porte est ouverte, puis tu sais, je pense qu'elle a ses chances aussi, là. Fait qu'on va l'appuyer, on va l'applaudir, puis on va espérer le mieux pour elle, là. OK. Andreescu, c'est probablement la grande. C'est probablement sur elle que représente le tennis féminin, qu'elle a tous les espoirs pour le tennis féminin dans les prochaines années. Elle, c'est vraiment une bonne prospect. Oui, c'est ça, parce que, bon, on le sait, elle est très compétitive, elle a une belle énergie sur le terrain, puis les gens apprennent à la connaître, puis ils l'aiment, là, dans le sens qu'ils aiment cette attitude-là de fonceuse et tout. Fait que ça, c'est intéressant de voir ça, puis je pense que c'est ce que les gens veulent voir sur un terrain de tennis, ils veulent voir de l'effort, c'est ça, de l'énergie, de l'enthousiasme, tout ça, puis elle l'a, hein, c'est un peu comme Chapovalov. Donc, dans le tennis féminin, tu sais, je pense que c'est important d'avoir ces qualités-là aussi pour pouvoir, là, justement... continue à monter dans le classement et tout, fait que disons qu'elle s'en laisse pas imposer. Oui, effectivement. Donc, ça, les prix d'entrée, comment ça fonctionne pour les gens qui veulent se procurer des biens? Ben écoutez, on a le passeport toujours aujourd'hui au coût de 25$ en pré-vente. À partir de demain, ça va être 30$. Donc, ça commence à payer demain mardi. C'est 5$ par session, et puis même chose mercredi. À partir de jeudi et vendredi, c'est 10$, et ensuite 15$ samedi, dimanche. Donc, et les 12 ans et moins, c'est gratuit, les enfants. Donc, on invite à venir en grand nombre, là, tous les jeunes qui veulent venir voir du beau tennis. Là. OK, OK. Hey, Caroline, je veux te parler en terminant d'Eugénie. Eugénie qui s'est inclinée en double en fin de semaine. Est-ce que ça peut être bon pour sa confiance? Sûrement, hein? Même si du double, là. Écoute, le fait qu'elle est en finale, elle perd en finale, au moins, en tout cas, ça peut retrouver quelques repères. Ben oui, c'est sûr. Hein? Je veux dire, le double, souvent, c'est peut-être un peu plus amical, si on veut, dans un sens. C'est compétitif aussi, mais le fait de jouer avec une partenaire, des fois, la pression n'est pas pareille. Des fois, on peut prendre plus plaisir, là, justement, être plus détendu, tout ça. Fait que c'est peut-être son cas, là, donc tant mieux. Écoutez, oui, ça peut l'aider, là, peut-être à gagner une certaine confiance. Puis ça aide aussi, là, au niveau de tu sais, les réflexes, continuer à améliorer des trucs, là, que même pour son simple. Puis, tu sais, je pense que dans le cas d'Eugénie, c'est pas parce qu'elle travaille pas fort. Je pense qu'elle s'entraîne très fort et tout, mais bon, des fois, c'est une petite question, là, de pas grand-chose, hein, pourquoi telle chose fonctionne pas ou fonctionne moins. Bon, puis des fois, ça peut... des revirements, il y en a, donc... puis de l'adversité aussi, ça fait que... Bon, on va voir la suite des choses, là, pour elle, là, concernant son simple. OK. Caroline, on s'en reparle lundi prochain pour faire le bilan de tout ça? Oui, d'accord. Notre spécialiste de tennis, Caroline Delay.